Chapitre 7e. Ils ne furent pas plus tôt sortis que, jetant les yeux sur le vieillard, je trouvai dans sa physionomie quelque chose de singulièrement intéressant et vénérable. Sa taille était au-dessus de la médiocre. On voyait qu'il avait dû être autrefois d'une force extraordinaire et il était encore très vert. Il avait beaucoup de cheveux, qui étaient plus blancs que la neige. Son teint était vif et brillant de santé, malgré les rides qui sillonnaient son front. Il avait l'œil extrêmement animé, et la bonté était peinte au dernier point dans toute sa personne. Une habitude de bienveillance et de sensibilité lui avait tenu lieu de culture et avait ôté à ses manières la rusticité ordinaire aux gens de sa classe. Cette vue me fit naître aussitôt une foule d'idées sur l'avantage que je pouvais tirer de quelqu'un qui m'avait l'air d'un si bon homme. Il n'y avait pas moyen d'espérer de faire un pas sans son consentement, et quand même j'aurais pu réussir à me tirer de ses mains, il ne lui était pas difficile d'appeler les gens de la maison qui n'étaient pas bien éloignés. Ajoutez que je n'aurais guère pu prendre sur moi de faire violence à une personne qui avait gagné à un tel point mon estime et mon affection dès le premier coup d'œil. Dans le vrai, mes pensées étaient dirigées d'un tout autre côté. Je sentis un désir ardent de pouvoir appeler cet homme mon bienfaiteur. Poursuivi par une suite d'infortunes, à peine me regardais-je comme tenant encore au monde. J'étais un être isolé auquel tout accès à la tendresse, à la compassion, à la bonne volonté de l'espèce humaine était interdit. La situation où je me trouvais pour le moment m'excitait fortement à me donner une jouissance que ma destinée semblait m'avoir voulu refuser. Je ne voyais aucune comparaison entre l'idée de devoir ma liberté à la bienveillance naturelle d'un digne et excellent homme et celle de la tenir de la bassesse et de la cupidité des membres les plus méprisables de la société. C'était ainsi qu'au milieu même de l'abîme de mots où j'étais plongé, je me permettais encore des raffinements de sensibilité et de délicatesse. Cédant à cette impulsion, je lui demandai de vouloir bien m'écouter sur les circonstances de l'affaire qui m'avait mis dans l'état où il me voyait. Il acquiesça bien vite à ma demande, et me dit qu'il se ferait un plaisir de m'entendre dans tout ce que je jugerais à propos de lui communiquer. Je lui exposai que les deux hommes qui m'avaient laissé ici sous sa garde étaient venus à la ville dans le dessein de se saisir de quelqu'un accusé d'avoir volé la malle du courrier, qu'ils avaient jugé à propos de mettre la main sur moi en vertu de ce mandat, et qu'ils m'avaient conduit devant un juge de paix. Qu'ils s'étaient bientôt aperçus de leur méprise, l'homme en question était en irlandais et ne me ressemblant ni pour le pays ni pour la taille, mais que, par collusion entre eux et le juge, ils se trouvaient autorisés à me retenir en arrestation et même à me conduire jusqu'à Warwick pour me confronter avec mon prétendu complice. Qu'en me fouillant chez le juge, ils avaient trouvé sur moi une somme d'argent qui excitait leur cupidité et que tout à l'heure, ils venaient de me proposer de me rendre la liberté à condition de leur abandonner cette somme. Dans cet état de choses, je le priai de considérer s'il voulait se rendre l'instrument d'une si basse extorsion, que je me mettais à sa merci et lui attestais sur tout ce qu'il y avait de plus sacré à la vérité des faits que je venais de lui exposer, que s'il voulait favoriser mon évasion, il n'en résulterait pas autre chose sinon que la cupidité de ces vils escrocs se trouverait frustrée, que pour rien au monde je ne voudrais l'exposer à quelque chose qui peut réellement être dangereux pour lui, mais que je ne doutais pas que le même esprit de générosité qui le portait à faire une bonne action lui donnerait aussi les moyens de la soutenir quand elle serait faite, que ceux qui me retenaient n'auraient pas plutôt perdu leur proie de vue qu'ils se sentiraient couverts de confusion et n'oseraient certainement pas pousser plus loin une pareille affaire. Le vieillard m'écouta avec intérêt et avec un air de curiosité. Il me répondit qu'il avait toujours eu en aversion l'espèce de gens dont j'étais le prisonnier, qu'il répugnait extrêmement à la fonction qu'il venait de lui donner, mais que pour obliger sa fille et son gendre, il voulait bien passer par-dessus quelques désagréments, que mon air et le ton dont je lui avais parlé ne lui laissaient pas de doute sur la vérité de mes assertions, que la demande que je lui faisais était vraiment fort extraordinaire et qu'il ne pouvait deviner quel motif avait pu me déterminer à la lui faire et à le juger homme à s'y prêter, qu'au fait, il avait une façon de penser qui n'était pas comme celle de tout le monde et qu'il se sentait plus d'à moitié décidé à faire ce que je désirais, qu'au moins il exigeait de moi une chose en retour, c'était de lui faire connaître jusqu'à un certain point quel était celui à qui il avait à rendre service, enfin comment je m'appelais. Je n'étais pas préparé à cette question, mais quelles que puissent en être les conséquences, Je ne pouvais me résoudre à tromper celui qui me la faisait, encore moins dans les circonstances où elle m'était faite. C'est une tâche trop pénible que d'être continuellement à mentir. Je répondis que je m'appelais Williams. Il se tut. Ses yeux se fixèrent sur moi. Il répéta mon nom, et je le vis changer de visage. Il poursuivit avec un air d'inquiétude marqué. « Mon nom de baptême ?»« Caleb. »« Bon Dieu, est-il possible ?» Il me conjura par tout ce qu'il y a de plus sacré au monde de lui répondre fidèlement encore à une seule question. Je n'étais pas... Non, cela n'était pas possible. Le même qui avait été autrefois au service de M. Falkland de X. Je répondis que quel qu'ait pu être l'objet de sa question, je lui dirais la vérité. J'étais celui-même dont il parlait. Comme je proférais ces mots, le vieillard se leva de dessus son siège. Il était au désespoir que la fortune lui eût été assez contraire pour m'avoir fait trouver devant ses yeux. J'étais un monstre que la terre gémissait de porter. Je le suppliai de permettre que je lui explicasse cette dernière méprise, qu'il m'écoutât comme il l'avait déjà fait, que je ne doutais pas un moment que ce que j'avais à lui dire ne lui parût tout aussi satisfaisant. Non, non, non, pour rien au monde, il ne voudrait laisser à ce point salir ses oreilles. Ce cas était bien différent de l'autre. Il n'y avait pas de criminel dans l'univers, pas d'assassin aussi abominable de moitié qu'un homme capable d'une si horrible récrimination, d'une si noire calomnie contre le plus généreux des maîtres. Rien que ce souvenir mettait le vieillard tout à fait hors de lui-même. À la fin, il se calma assez pour me dire qu'il ne se consola jamais du malheur d'avoir eu un moment d'entretien avec moi. Il ne savait pas ce que la justice rigoureuse exigeait de lui dans cette circonstance, mais que puisque ce n'était que par mon aveu qu'il avait appris qui j'étais, il répugnait absolument à sa façon de penser de faire usage de cette connaissance à mon préjudice. Que là se terminait toute espèce de relation entre nous, qu'en vérité ce serait un abus de mots que de me regarder comme un être de l'espèce humaine, qu'il ne me ferait aucun mal, mais aussi que pour rien au monde, il ne voudrait m'aider ni me favoriser en la moindre chose. L'horreur que j'inspirais à cette bonne et honnête créature m'affecta à un point que je ne saurais exprimer. Je ne pus me résoudre à me taire. Je tâchai encore à plusieurs reprises d'obtenir de lui qu'il daignât m'entendre, mais il fut inflexible. Notre débat dura quelque temps, et il le fit cesser à la fin en tirant la sonnette et en appelant le garçon de l'auberge. Très peu de temps après, mes conducteurs rentrèrent, et alors les deux autres se retirèrent. C'était une des singularités de ma destinée d'être continuellement d'une espèce de tourment et de malheur, précipité aussitôt dans un autre, avec tant de rapidité qu'aucun d'eux n'avait le temps de laisser une impression profonde sur mon âme. En me retraçant mes infortunes, je suis porté à croire que la moitié des épreuves que j'étais destiné à subir aurait suffi pour m'accabler et m'anéantir. Mais au milieu de cette foule de mots qui se croisaient sur ma tête, je n'avais pas le moment de la réflexion pour goûter toute leur amertume. Je me trouvais au contraire forcé de les oublier à mesure qu'ils m'atteignaient pour me tenir en garde contre les périls dont j'étais menacé par l'instant qui s'approchait. J'eus le cœur déchiré de la conduite de cet aimable et excellent vieillard envers moi. C'était un épouvantable présage pour tout le reste de ma vie. Mais comme je viens de l'observer, mes gardiens rentrèrent et mon attention se trouva impérieusement appelée vers un autre objet. Dans l'excès de mortification que j'éprouvais à ce moment, j'aurais voulu être enfermé dans une solitude impénétrable et m'ensevelir tout entier dans mon abîme de misère. Mais toute profonde qu'était ma douleur, elle n'avait pas encore assez d'empire pour me faire envisager sans effroi le gibet dont j'étais menacé. L'amour de la vie, et bien plus encore la haine de l'oppression, armait mon cœur contre l'inertie du désespoir. Dans la scène qui venait de se passer, j'avais voulu, comme je l'ai déjà dit, me donner la jouissance d'un raffinement d'honneur et de sensibilité. Mais il était temps de faire cesser cette fantaisie. Il était dangereux de badiner plus longtemps sur le bord de l'affreux précipice, et navré comme je l'étais du résultat de ma dernière tentative, je n'étais guère disposé à d'inutiles préambules. J'étais justement dans la disposition où me voulaient les messieurs qui me tenaient en arrêt. En conséquence, nous entrâmes bien vite en négociation, et après avoir un peu marchandé, ils tombèrent d'accord de recevoir 11 guinées pour ma rançon. Néanmoins, pour conserver toute l'intégrité de leur réputation, ils voulurent absolument me reconduire avec eux pendant quelques milles derrière un carrosse public. Ensuite, ils feignirent que la route qu'ils avaient à suivre les mettait dans la nécessité de prendre un chemin de traverse. Et après avoir quitté la voiture, ils me permirent, dès qu'elle fut hors de portée de nous voir, de me débarrasser de leur importune compagnie et d'aller où il me plairait. On peut remarquer en passant que ces aigres fins s'étaient attrapés eux-mêmes dans leur propre filet. Ils m'avaient d'abord capturé comme une proie qui devait leur rapporter 100 guinées. Ensuite, ils s'étaient crus trop heureux de composer pour 11. Mais s'ils m'avaient gardé plus longtemps en leur possession, ils auraient retrouvé l'occasion de gagner, d'une autre main, la somme qui les avait mis originairement à ma poursuite. Les mésaventures qu'avait entraîné mon dernier plan d'échapper à mes persécuteurs en mettant la mer entre eux et moi me détournèrent de l'idée de recommencer la même expérience. J'en revins donc encore une fois au projet de me cacher, au moins pour le présent, dans la foule immense de la capitale. Cependant, je ne trouvais nullement à propos de me risquer à suivre la grande route, et cela d'autant moins que c'était la direction qu'avaient prise mes deux ci-devant conducteurs. Mais je pris mon chemin le long des frontières du pays de Galles. Le seul incident qui vaillissait la peine d'être rapporté eut lieu à l'occasion d'un dessein que j'eus de traverser la Severne. On passait sur un bac, et par quelque inadvertance dont je ne saurais rendre raison, il m'arriva de perdre ma route si complètement qu'il me fut absolument impossible ce soir-là de gagner le bac et de pousser jusqu'à la ville où je m'étais proposé de coucher. Par une fatalité singulière, un aussi petit contretemps, au milieu de la foule d'idées accablantes qui auraient dû absorber toutes mes facultés, ne laissa pas que de me causer beaucoup d'impatience et de mauvaise humeur. J'étais extraordinairement fatigué ce jour-là. Avant le moment où je m'étais trompé de chemin, ou au moins avant que je me fusse aperçu de ma méprise, le temps était devenu très bas et très sombre, et bientôt après, les nuages s'étaient fondus en une pluie battante. Je me trouvais alors au beau milieu d'une plaine, sans arbres ni abri d'aucune espèce pour me couvrir. J'avais été trempé dans un moment. Dans ce fâcheux état, j'avais continué ma marche avec humeur et obstination. De temps à autre, la pluie avait fait place à un orage de grêle. Celle-ci tombant très gros et très serré, j'avais été fort mal défendu par le misérable vêtement que je portais, en sorte que je m'étais senti comme si on m'eût coupé dans tous les sens possibles. La grêle avait cessé et avait été suivie encore d'une très forte pluie. C'était à ce moment que j'avais commencé à m'apercevoir que je m'étais totalement égaré de ma route. Je ne découvrais ni bêtes, ni gens, ni habitations d'aucune espèce. J'avais toujours marché, délibérant à tous les sentiers qui s'offraient à moi, quel était celui que je devais prendre, et n'ayant jamais le moyen de trouver une seule raison pour rejeter l'un et préférer l'autre. Toutes ces contrariétés m'avaient désolé au dernier point. Je jurais entre mes dents, tout en continuant ma marche. J'étais plein de dégoût de la vie, je la maudissais, ainsi que tout ce qu'elle traîne à sa suite. Enfin, après avoir ainsi erré sans aucune direction certaine pendant plus de 2 heures, j'avais été surpris par la nuit. Aucun chemin frayé ne se présentait à moi et il n'y avait pas moyen de penser à aller plus loin. Me voilà donc sans abri, sans nourriture, sans espérance. Pas une partie de mon vêtement qui ne fût aussi mouillée que si elle eût été pêchée du fond de la mer. Mes dents craquaient, je tremblais de tous mes membres, j'avais dans le cœur la rage et le désespoir. Tantôt c'était quelque corps dur que je n'avais pas aperçu, contre lequel je me heurtais et qui me faisait tomber. Tantôt c'était un obstacle qui se trouvait devant moi et qui m'obligeait à revenir sur mes pas. Il n'y avait pas de liaison directe entre ces contretemps accidentels et la persécution que je fuyais, mais dans mon esprit malade, toutes ces idées se confondaient. Je maudissais tout le système de l'existence humaine. Malheureux proscrit, me disais-je à moi-même, meurs donc ici, puisque c'est ton sort, par la faim et par le froid. Tous les hommes t'abandonnent, tous les hommes te détestent. Des menaces de mort repoussent de toi toutes les sources de l'existence. Monde maudit, qui peut haïr sans cause et accabler l'innocence sous une masse de calamités trop dure pour le crime lui-même. Monde maudit, monde inexorable, tous les yeux sont aveugles ou tous les cœurs sont de bronze. Pourquoi vivre plus longtemps avec toi? Pourquoi traîner plus loin cette déplorable existence au milieu des repères de ces tigres à face humaine? cet accès de délire se consuma enfin de lui-même. Bientôt après, je découvris une espèce de toit solitaire où je me trouvais heureux de prendre un abri. Dans un coin de cet asile, il y avait un peu de paille fraîche. Je me débarrassai de mes guenilles et les plaçai de manière à ce qu'elles puissent sécher. Puis, m'enfonçant dans la paille, je me sentis bientôt enveloppé d'une chaleur douce et bienfaisante. Là, je perdis par degrés le sentiment de mes maux. C'est peu de chose en apparence qu'un abri et de la paille fraîche, mais ces biens s'étaient offerts à moi au moment où je les attendais le moins, et ils avaient porté la joie dans mon cœur. Quoiqu'en général accoutumé à un sommeil extrêmement court, il arriva cette fois que, par suite de la grande fatigue d'esprit et de corps que j'avais essuyée, je dormis jusqu'à près de midi du lendemain. Quand je fus levé, je trouvai que je n'étais pas à une grande distance du bac. Je le passai et entrai dans la ville où j'avais eu l'intention de coucher la nuit précédente. C'était jour de marché. Comme je passais près de la place, j'aperçus deux hommes qui me fixaient avec beaucoup d'attention, après quoi un d'eux s'écria « Je veux être pendu si je ne crois pas que voilà le drôle que cherchaient ces hommes qui viennent de partir il y a une heure par la voiture de X. » Cette remarque me donna une furieuse alarme. Je doublai aussitôt le pas et au premier détour, j'enfilai bien vite une ruelle étroite qui s'offrit à moi. Dès que je fus hors de la portée de la vue, je me mis à courir de toutes mes forces et je ne me crus en sûreté que lorsque je fus à plusieurs milles de distance de l'endroit où cette observation avait frappé mon oreille. J'ai toujours pensé que les hommes auxquels elle avait rapport étaient ces deux officiers de justice qui m'avaient arrêté à bord du vaisseau qui devait me transporter en Irlande, qu'ils avaient trouvé, par quelque accident, le signalement de ma personne, tel que M. Falkland l'avait fait publier, et que le rapprochement des diverses circonstances les avait amenés à croire que la personne désignée dans ce signalement était précisément l'individu qu'ils venaient d'avoir en leur puissance. Dans le fait, c'était une extrême imprudence de ma part dont il m'est impossible de dire à présent la cause, d'avoir gardé toujours le même déguisement, sans y rien changer, après les indices multipliés qui avaient concouru dans cette affaire à leur faire présumer que je me trouvais dans des circonstances très particulières et très critiques. Je n'avais échappé cette dernière fois que par un bonheur inouï. Si, par suite de l'orage et de la grêle du soir précédent, je n'eusse pas perdu ma route, ou même si, le matin, je ne me fusse pas laissé retenir si tard par le sommeil, je serais infailliblement tombé entre les mains de ces infâmes chasseurs d'hommes. La ville à laquelle ils avaient résolu de s'arrêter, et dont j'avais ainsi pris le nom dans la place du marché, était la même ville où, sans cet utile avertissement, j'allais moi-même me rendre immédiatement, mais au moyen de ceci, je pris le parti de m'éloigner le plus possible de cette route. Au premier endroit où j'arrivais, et où la chose fut praticable, j'eus soin de faire emplette d'une casaque que je passais par-dessus ma livrée de mendiant et d'un chapeau que je rabattis sur ma figure. Je couvris un de mes yeux d'un morceau de taffetas vert. J'ôtai le mouchoir que j'avais sur ma tête et je l'attachai autour du bas de mon visage de manière à me couvrir la bouche. Je me débarrassai insensiblement de toutes les différentes parties de mon premier accoutrement et pour mon vêtement de dessous, je m'affublai d'une espèce de soupenie de voiturier qui, n'étant pas très mauvaise, me donnait assez bien l'air du fils d'un honnête laboureur de la dernière classe. Dans cet équipage, je poursuivis mon voyage, et après mille inquiétudes, mille précautions et mille circuits, j'arrivai sain et sauf à Londres.